Platon, tout se retourne. Mais dites-moi qui est cet ingénu. Précédé par sa grosse baboune. Non. Eh oui. Non. Oui, oui. C'est pas cette vieille déjà beaucoup trop connue. Ceaușescu n-a murit, ne veghează îndârjit. Ceaușescu e o școală, Ceaușescu e o boală. E în mine, e în tine, e în locul și uzine, azi-l poartă fiecare. Ceaușescu-n veci nu moare. Ceaușescu n-a murit, istoria ne-a păcălit. Limba lui de lemn se plimbă încet prin vechea noastră limbă. Ceaușescu n-a murit, istoria ne-a păcălit. Noi suntem vii și morții, Ceaușești suntem cu toți. Celle qu'on entendait, c'est la Roumaine, Ada Milea. Nous serons en Roumanie dans la première demi-heure de l'émission cette semaine. Mon nom est Michel Lemonnette. Nous sommes le 21 septembre 2014. Ceaușescu n'est pas mort, chante Milea. Il veille sur nous sans relâche. Ceaușescu est une école, Ceaușescu est une maladie. Il est en toi, il est en moi, dans les immeubles et les usines. Aujourd'hui, tout le monde le porte en soi. Ceaușescu ne meurt jamais, Ceaușescu n'est pas mort. L'histoire s'est moquée de nous, sa langue de bois se promène calmement au milieu de notre vieille langue. Ceaușescu n'est pas mort, l'histoire s'est moquée de nous. Nous sommes à la fois vivants et morts, nous sommes tous des Ceaușisti. Cette traduction est parfaite, reconnaît la personne qui l'a faite, rend la poésie et la force des paroles originales, mais ne permet pas de se faire une idée. Nicola Ceaușescu était un véritable dictateur de la Roumanie communiste. Il l'a dirigé de 1965 à son renversement, suivi par son exécution avec sa femme Elena lors de la libération de 1989. Il se faisait appeler le guide, le génie des Carpates ou encore le Danube de la pensée. La Roumaine Ada Milea, née à Târgu Mureș, en Transylvanie, est une actrice et chanteuse. Elle a étudié l'art théâtral à l'Université de Târgu Mureș, où elle a débuté sa carrière de comédienne. Et elle a fait partie du Cirque du Soleil. On va entendre trois pièces où elle chante. D'abord, une chanson tirée de l'album Nazul. Nazul s'est inspirée de la nouvelle fantastique Le nez de Gogol. Comment le nez du conseiller de l'État Kovaliov a-t-il disparu? Faut-il mettre en cause le barbier Ivan Yakovlevitch qui rase régulièrement Kovaliov? C'est lui, d'abord, qui a trouvé le nez dans un petit pain qui cherche à s'en débarrasser et qui, au moment qu'il va le jeter dans le fleuve, se fait interpeller par un inspecteur de police. La suite de la nouvelle de Gogol est rocambolesque. Ada Milea chante avec Bogdan Burlacianu. Il est aussi acteur. D'ailleurs, Nashol est aussi l'objet d'un théâtre-concert de Milea et de Burlacianu. Humour et ironie sont au rendez-vous. Ensuite, on va écouter deux autres chansons. Celle-là tirée de l'album Apollodore avec Dorina Ciriac et Radu Banzaru, des acteurs roumains. Apollodore, c'est un livre pour enfants écrit par le poète surréaliste et écrivain roumain Gelu Naum. Quand les communistes ont pris le pouvoir en Roumanie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Naum n'a pas eu d'autre choix que d'écrire des livres pour enfants. Dans Apollodore, c'est un petit pingouin triste qui part à la recherche de sa famille à travers le monde. Mais d'abord, on écoute Najul. Se spune că nasul se plimbă zilnic la ora 3 fix pe Nevski Prospect. Și o mulțime de lume se adună începând de la 2 pe Nevski Prospect. Se spune că nasul la ora 4:30 zilnic cumpără stofe. Și lumea începând de la 4 se înghesuie zilnic în magazinul cu stofe. Se știe sigur, aproape sigur, din ce în ce în ce mai sigur, că nasul mâine va fi în magazinul cu jucării. Se știe sigur, aproape sigur, din ce în ce în ce mai sigur, că nasul vine vineri în piață, un domn deja vinde locuri în față. Să fie sigur, aproape sigur, din ce în ce în ce mai sigur, să știe sigur, aproape sigur, din ce în ce în ce mai sigur. S-a aflat între timp că nasul nu pe Nevski Prospect se plimbă de fapt, ci pe strada Coniușenaia. Și mulțimea pe strada Coniușenaia s-a mutat. S-a aflat între timp că nasul nu la 4:30 cumpără stofe, că de fapt de la 2 sau 3 sau 7 sau 8 sau 5 sau 9 se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea să vadă nasul. Da, află că alta e ziua, că altul e locul, că altul e ceasul. Se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea să vadă nasul. Da, află că alta e ziua, că altul e locul, că altul e ceasul. Un domn respectabil ce vinde gogoși în teatru, în teatru a spus cu precizie că nasul vine la ora 4. La ora 3 poliția era deja obosită. Lumea se înghesuia, se împingea, se înghiontea și oferea mită. Se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie. Se aduc scăunele ca să vadă mai bine, unii plătesc și se urcă pe ele. Se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie. Se aduc scăunele ca să vadă mai bine, unii plătesc și se urcă pe ele. Se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea, se înghesuie lumea. Da? Da. Mississippi, într-un bar. De ce zâmbesc mereu și tac? Și negru Jim și negru Jack. Plutește bacul printre cioate de sălci vechi și fără mate. De ce zâmbesc mereu și tac? Au lângă ei un călător. Au lângă ei căzut din cer, venit în zbor, l-au scos din apă, gol și mut. Atât șoptea spre sud, spre sud, spre sud, spre sud, spre sud, spre sud. Acum bătrânul negru Jack, acum bătrânul negru Jack, își umple pipa cu tabac și îl întreabă zâmbitor: cum te numești? Apollodore. Apollodore. Apollodore. Apollodor. Apollodor, Apollodor, Apollodor. În pustiu nu vezi un cort, n-ai niciun mijloc de transport, n-ai niciun mijloc de transport. Nu zărești un baobab sau o colibă de arab. Pe întinderea pustie, nici urmă de cofetărie, și nici n-a existat vreodată măcar un chioșc cu limonadă. Cum mergea Apollodor și se gândea cuprins de groază, aici mi-e dat să mor, dădu în calea lui de oază. A cântat Apollodor și de sus de lângă cer, pe creanga unui palmier, l-a ascultat întâi cu frică o foarte mică maimuțică, o foarte mică maimuțică, o foarte mică maimuțică. Ținându-și coada grațios, Lore mama, a coborât pe creangă jos, Lore mama, și-a spus roșindu-se ușor, eu n-am decât un singur dor, să fiu soție de tenor. Deci dacă dragoste există și dacă nu dorești cumva să vezi o maimuțică tristă, aș vrea să fiu soția ta. I-a răspuns Apollodor, n-aveam de gând să mă însor, dar fiindcă dragoste există și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o maimuțică tristă, sunt gata pentru cununie. Și ei, ca doi copii cu minți, ce vor să facă totul bine, s-au dus și ei cum se cuvine să ceară voie la părinți. Tata, domnul cimpanzeu, a spus, dânsul aud că merge către polul sud și acolo e un ger cumplit, n-ai să reziști. Nu te mări! Mama, doamna cimpanzeu, eu, dragii mei, nu pot să spun decât atâta, mă opun. Și ei, ca doi copii cu minți, ce vor să facă totul bine, au ascultat cum se cuvine de sfatul scumpilor părinți. Și a plecat Apollodor. A rămas pe o rămurică, departe, suspinând de dor, o foarte mică maimuțică, o foarte mică maimuțică, o foarte mică maimuțică. Inaosa, c'était tiré de l'album Apollodor. Auparavant, c'était Pays Mississippi. Et la première chanson, Zvo Nourri. La première était tirée de l'album Najoul. Najoul, c'est le nez, inspiré de la nouvelle de Gogol, mais c'est aussi une petite pièce de théâtre. Je tiens à m'excuser auprès des parents qui ont des enfants en mesure de comprendre le roumain, parce que les deux premières chansons, c'était destiné à des adultes. Enfin, On va poursuivre en Roumanie avec un groupe qui s'appelle Urma. Urma, c'est un groupe de musique alternative de Claude Napoca, qui est non seulement sur la scène roumaine, mais aussi l'Europe de l'Est, très présent. Ça fait 11 ans déjà qu'ils ont débuté. Ils font un rock acoustique avec guitare, flûte, saxophone et instruments à cordes. Ça donne de très belles compositions, dont celle qu'on va entendre, Cine Lubeste Ci Lascia. C'est tiré de l'album Lost and Found, E-N-D-F-O-U-N-D. Ensuite, on va entendre Rise of Artificial. Ça, c'est un trio formé de Bodgan Popoyag, qui a d'abord débuté Unu avec Dan Griobert. C'est un duo de la scène électronique roumaine du début des années 2000. Et Popoyag, c'est aussi adjoint, a démarré avec César Stanciulescu, ex-membre de Choué Paparoud et un autre groupe de musique alternative roumaine. Par la suite, s'est joint le guitariste Christin Negriuk. On va les entendre dans la chanson Sonata in la Minor. Mais d'abord, on va écouter Urma. forget what you pay, what you give, and the meanings you get. There's no light in this glass, there's no grace in this place. Stranger, please, could you help me forget? Cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i da pe las. Cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i da pe las. Cette première demi-heure, cette demi-heure consacrée à des groupes ou à des chanteurs, chanteuses roumains, avec un groupe qui s'appelle Robin and the Backstabbers. C'est un groupe qui a été formé en 2010 à Arghita. Ça, c'est situé au cœur de la Roumanie. C'est un endroit habité en grande partie par des Hongrois. Le nom Robin and the Backstabbers veut dire, j'ai lu sur le blog d'un Roumain qui écrit en français que ça veut dire les personnes qui se font passer pour des amis alors qu'elles vous trahissent. On les écoute dans Iguana Facato Are de Minuni. M-ascult ca un leșin într-un spital, zâmbet mărunt,

qui ont joué, que je vais faire jouer aujourd'hui, que je vais faire jouer dans la prochaine demi-heure. On a traversé la frontière, on était en Roumanie, on s'en va du côté de la Hongrie. C'est pas toujours facile entre ces deux pays. Ils sont chacun formés de plusieurs minorités. Il y a beaucoup de Hongrois en Roumanie. Je sais qu'actuellement, ça, il y a des tensions parce que les Hongrois de Roumanie veulent plus d'autonomie et ils seraient soutenus par le gouvernement hongrois, enfin. Bon, c'est un peu comme dans beaucoup d'endroits à travers le monde. On va écouter, en ce début de deuxième demi-heure, on va écouter Peter Fee, Body and Love Band. Ça, c'est un groupe rock alternatif fondé en 2007 par les membres d'un groupe qui s'appelait Amorphe Urdegolk, les Diables Amorphes. Le premier album du nouveau groupe, le Peter Fee, Body and Love Band, qui s'appelle du même nom que le groupe, est sorti à l'automne 2007. Il est devenu un disque d'or. Peter Fee, Body, c'est une célèbre chanteuse, et actrice hongroise, donc il y a un lien avec la première que j'ai fait jouer à Dea Milea en début d'émission. Et elle a commencé sa carrière dans la musique plutôt pop avec le groupe Amorphe Urdegolk en 2000. Un phénomène unique qui s'est fait remarquer par son approche DIY et son style pop gadget bricolé. Mais après la séparation de Amorphe, Peter Fee, Body and Love Band va encore plus loin en développant un style bigger than life, vous imaginez, en mariant le lyrisme extravagant de la diva avec l'énergie et l'intensité de la musique punk. On va écouter deux pièces d'ailleurs de ce premier album, Feerer Festem as Arkham et Boss Zualo Rock'n'Droll. Les deux donc sont tirés de l'album du nom du groupe Peter Fee, Body and Love Band. We'll be right back. dois corriger une petite erreur avant qu'on écoute la deuxième pièce. C'est plutôt un remix qui date de 2014 de Boss Zoilo Rock'n'Roll. Et c'est fait par AMB. AMB, c'est le fondateur de l'école de musique technologique. C'est quelqu'un qui vient de l'Université de Londres, de West Londres, mais qui a fondé cette école spécialisée en technologie musicale à Budapest. On écoute la deuxième pièce. Nos oreilles sont toujours en Hongrie et on poursuit avec un groupe qui s'appelle Zabo Balaz Bandaja dans une pièce qui s'intitule Et Kodznapi. C'est un band qui mélange le folk, le funk et aussi, comme ils l'écrivent, la transpiration. Beaucoup d'instruments modernes et aussi d'anciens, le violon, la guitare, la flûte cavale, le tambour cajon. On va écouter donc une pièce qui est tirée de l'album Elet Elvitel Re. Ensuite, on va écouter un autre groupe alternatif qui s'appelle Maga Shegi Underground. C'est un projet. Ça a débuté comme un projet à part du chanteur d'un autre groupe hongrois, le groupe Caucasus. Et finalement, le projet a pris toute la place dans la vie du chanteur Carlos Arvat Janus. L'essence du band, c'est la diversité et l'ouverture. On va les écouter dans une pièce qui s'appelle Arniek. C'est tiré de l'album Teg Naputan. Mais d'abord, écoutons Zabo Balaz Bandaja. Az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fű magot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé. Kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül, aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kép, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Csak az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén, aztán napokig felém sem néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fű magot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk. Celle qui dessine le plus folle des raisons. Je suis ivre, ivre, ivre, ivre de ta saison. Celle qui dessine le plus folle des raisons. Et je croyons que nez, nez, nez, je n'ai plus ma chambre de vie. Az aszfalt romok alól, Le prochain groupe qu'on va entendre, c'est Kembe. Kembe, c'est un des groupes les plus populaires de la scène alternative hongroise depuis parfois au-delà de 20 ans, par son éclectisme, sa fraîcheur et ses textes ironiques et sarcastiques, dit-on, et par le charisme de ses deux chanteurs. Je dis dit-on parce que je ne connais pas, évidemment, je ne comprends pas le hongrois. Le charisme de ces deux chanteurs, c'est le percussionniste Lévius Varga, mais surtout le guitariste et compositeur Tibor Kiss, que certains comparent à Bertrand Cantat dans Noir Désir. On va les écouter dans une chanson qui s'appelle Senki Se Menukul. C'est tiré de l'album Kak Tuz Zliket. Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordély peremén ücsörög a zsákmány, lessük te meg én. Mekkora métej, mekkora hatalom, annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelét. Mire már azt hittük, hogy végre megérkeztünk, jön egy újabb kanyar. És az a mi haszna szürke felhő fenn az égen, vajon tőlünk mit akar? Napunk eltakarva van ma, langyos eső, mossa szennyes ég. Ilyenkor a világon mindig valaki elhagyja a kedvesét. És ugye érzed, titkon te is érzed, ugye érzed legbelül. Egyedül tartos, és üvölt az ég felé. Mert amit nem becsülsz meg ma, az holnapra már mind az ördögé lesz. És aztán hívhatsz papagyón 600-szor, hogy mámorba márthatod a feje. De már soha többé nem felejted el, hogy ez volt az egyetlen kis élete. Látod ott a semmi ágán most is egy nagy holló hegedű. Nem vagy egyedül, senki sem menekül. Terminer l'émission de cette semaine avec un groupe qui s'appelle Intime Torna Illégal. C'est un groupe que je tenais beaucoup à vous faire entendre parce qu'il a joué avec un groupe français qui se qualifie de lui-même, ce groupe français, de Java chansonnier punk caravaning. Je ne sais pas si vous connaissez, si ça vous dit quelque chose. C'est les Hurlements de Léo. C'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Le groupe, quant au groupe hongrois Intime Torna Illégal, ça pourrait se traduire par gymnastique intime interdite. Ils marient le cirque et la musique pour le plus grand plaisir de ceux qui les voient en spectacle. On les écoute dans une chanson qui s'appelle Vague Jal Liukat à Kadba. C'est tiré d'un album qui s'appelle Circuits. Öltél barátod, aki már rég hiányzott, vágjál lyukat a kádba. Talán így megnyugodna a lelked nyugtalanja, vágjál lyukat a kádba. Ha túl sok volt a dráma, ember tragédiája, vágjál lyukat a kádba. Már rég kicsordulna egy fénycsepp az arcodra, vágjál lyukat a kádba. Vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba. Vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba. Már a nap se sütne, az eső már nem esne, vágjál lyukat a kádba. Ha már a szél se fújna, ha már a jég se fagyna, vágjál lyukat a kádba. Ha halma fára másznál, amit már rég kivágtál, vágjál lyukat a kádba. Ha nem tudsz már felállni, jó pofát se vágni, vágjál lyukat a kádba. Vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba. Vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba. Vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba, vágjál lyukat a kádba.